Je tourne à droite. Je passe sans m'arrêter. Réponse A. Je m'arrête et je passe. Réponse B. Je m'arrête et j'attends. Réponse C.